Bonsoir, dans Autant n'importe l'histoire aujourd'hui, Ho Chi Minh, une jeunesse française. En mai 68, les étudiants défilaient en scandant son nom, Ho Chi Minh, à côté de celui d'une autre icône de la révolution, Che Guevara. Incroyable, un vieillard à barbiche blanche, surnommé aussi Oncle Ho, incarne alors pour la jeunesse la lutte contre les puissances coloniales et impérialistes. Ho Chi Minh, celui qui en 1945 avait osé proclamer l'indépendance de son pays, le Vietnam. Mais par quel chemin est-il devenu le symbole de la lutte anticoloniale du XXe siècle? C'est la question que l'on peut se poser devant une photo prise à Paris sur le pont Alexandre III, sans doute en 1912. Ho Chi Minh, qui ne s'appelle pas encore ainsi, des identités il en changera souvent, a environ 22 ans, élégant avec son chapeau melon et sa canne, écharpe jetée négligemment sur l'épaule, cigarette à la main. Difficile d'imaginer que ce jeune homme romantique, qui se fait appeler Paul, a quitté Saïgon quelques mois plus tôt, s'embarquant comme homme à tout faire dans un navire en direction de la France. C'est donc l'étonnante trajectoire d'Ho Chi Minh que je vais raconter ce soir. Un jeune Vietnamien qui croyait aux vertus de la France coloniale et qui un jour va devenir un de ses premiers fossoyeurs. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Pierre Journoux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paul-Valéry Montpellier III, spécialiste du Vietnam. Ho Chi Minh est mort en 1969, mais au Vietnam, je suppose que son souvenir est très vivant encore aujourd'hui. Qu'incarne-t-il aujourd'hui ? Il est un peu partout. Il est très visité, si j'ose dire, puisque son mausolée fait l'objet chaque jour d'un défilé de visiteurs, de touristes, de personnalités, d'élèves vietnamiens. Il a été d'ailleurs embaumé et placé dans ce mausolée contre son gré, puisque il souhaitait, du moins était c'est écrit dans son testament, que ses cendres soient répandues sur tout le Vietnam, sur les trois régions principales du Vietnam, le nord, le centre et le sud. Et on a donné son nom aussi à la ville de Saïgon, qui s'appelle aujourd'hui Ho Chi Minh-ville. Mais que beaucoup continuent d'appeler Saïgon. Pour comprendre l'itinéraire de ce personnage, il faut partir sans doute dans l'Indochine de la fin du XIXe siècle. Pouvez-vous, Pierre Journoux, nous rappeler d'abord depuis combien de temps ce qu'on appelle l'Indochine est sous domination française ? Bien, la conquête commence au tournant des années 1850-1860 et elle va prendre du temps, avec beaucoup d'improvisation depuis Paris. On constate que c'est d'ailleurs une série de décisions d'initiatives locales qui seront plus ou moins avalisées par Paris par à-coup et sans plan stratégique vraiment préétabli. Et la domination se consolide d'abord dans la Cochinchine, donc la province du sud du Vietnam actuel. Et donc elle va s'étendre ensuite à la Nam, le centre, et au Tonkin, le nord du Vietnam actuel. La puissance coloniale pour asseoir sa domination fragmente, hein, comme toujours, comme elle l'a fait en Afrique du Nord, etc., fragmente le territoire, le parcellise, et donc on a trois entités qui constituent le Vietnam actuel, mais auxquelles il faut ajouter le Cambodge et le Laos. Et tout cela fait l'Indochine française, hein, l'Union Indochinoise, comme on l'appelait à l'époque, qui est officialisée en 1887. Qui se fait quand même dans la douleur côté vietnamien. Absolument. On a un petit peu oublié, de part et d'autre d'ailleurs, ces épisodes. La conquête coloniale, c'est d'abord une conquête militaire, sanglante, même si elle a impliqué peu de troupes. Hein. Elle a été violente, brutale, et elle s'est faite dans le sang et dans les larmes. C'est une colonisation où les Français viennent s'installer au Vietnam. Oui, mais ce n'est pas une colonisation de peuplement. Hein, c'est vraiment une colonisation d'exploitation. Les Français n'ont jamais dépassé la quarantaine de milliers. Et cette quarantaine de milliers de Français, comme souvent d'ailleurs dans l'Empire colonial, vont imposer leur loi, avec bien sûr le soutien plus ou moins actif de la métropole. Il y a une forte résistance donc à cette colonisation. Elle est vécue comme une humiliation par les Vietnamiens ? Oui, indéniablement. D'ailleurs, il y a quelques magistrats ou mandarins qui se sont suicidés au moment de la conquête et de la colonisation, à la fin du XIXe siècle. D'ailleurs, les résistances sont extrêmement nombreuses à tous les niveaux de la société, du simple paysan au plus haut mandarin. Oui, il y a des manifestations de paysans qui sont durement réprimées. Il y a aussi des opposants politiques qui sont envoyés au bagne, le fameux bagne de Pulo Condor, une île au sud du Vietnam, où les conditions de détention sont particulièrement dures, Pierre Journeau. Absolument. Pulo Condor, c'est un immense camp de travail, d'emprisonnement, qui a regroupé plus de 12% de la population vietnamienne sur toute la période coloniale. Donc ce sont des chiffres extrêmement élevés. Et contrairement à ce que la puissance, l'autorité coloniale escomptait, cet emprisonnement a créé des solidarités, des liens de solidarité extrêmement forts, extrêmement puissants entre les captifs, entre les prisonniers qui se sont jurés non seulement d'être libérés ou de se libérer, mais de reconstruire leur pays et de le mener jusqu'à l'indépendance et donc d'abattre au passage la colonisation française. Oui, de grandes figures du Viet Minh, ils seront incarcérés comme Pham Van Dong ou Giap, et puis aussi sous la République du Vietnam. Il faut le dire que ce bagne servira de centre de rééducation aussi pour les opposants. Pierre Journeau, je propose qu'on se retrouve, si vous êtes d'accord, dans une trentaine de minutes. Tout de suite, Ho Chi Minh, une jeunesse française, un texte de Marjorie Philibert écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire. Réalisation Christophe Hoquet. Ça y est, ma dernière journée d'instituteur. Ils n'ont pas traîné. Pas moyen de savoir qui m'a dénoncé. Ce pays a besoin de réformes, c'est une évidence. Une poignée de riches écrase une majorité de paysans analphabètes. Colis de père en fils. Et la colonisation n'a rien arrangé. Ils trouveront facilement un professeur plus docile que moi, qui ne risque pas de répandre des idées dangereuses dans les écoles. Mais ne pourront rien faire contre la colère du peuple. Tôt ou tard, ce système va s'écrouler. On dit qu'en Chine, la révolution est proche et que Sun Yat-sen va instaurer la première république d'Asie. À quand notre tour ? Juin 1908, Tan Nguyen a 18 ans. Il vient d'être renvoyé de son poste d'instituteur pour avoir participé à une manifestation paysanne à Phan Thiet, dans le sud du Vietnam. Cet autodidacte de talent, fils d'un brillant mandarin, rêve de faire entrer son pays dans la voie de la modernité. Libéré de ses obligations, le jeune Tan ne pense désormais plus qu'à une chose, partir en Europe et découvrir la France. Père, Tan, ça fait si longtemps. Vous n'avez pas l'air très heureux de me voir. Quel père n'est pas heureux en voyant son enfant ? Ne dis pas de bêtises. Asseyez-toi, je vais faire du thé. Allez, c'est. Je vais demander à Mine de le faire. Mine ! Mais il n'est plus là. Man. Je l'ai renvoyé. Renvoyé, mais pourquoi ? Mes moyens ne me permettent plus de la garder. L'administration française baisse le salaire des sous-préfets maintenant ? De mieux en mieux. Non. Elle les révoque quand ils ont le malheur de lui déplaire. Révoqué ? Mais depuis combien de temps ? Je voulais pas t'inquiéter. Et puis, ça va mieux comme ça. Cette fonction était pire que l'esclavage. Mais comment ont-ils pu faire cela ? Officiellement, ils me rendent responsable d'une punition envers un notable qui a mal tourné. Et officieusement, ma résistance à appliquer les directives de l'administration a sans doute joué contre moi. Mais qu'allez-vous faire ? Je vais quitter cette maison à la fin du mois. Je ne peux plus payer les 10 piastres mensuels propriétaires. Je vais retourner quelque temps chez ma sœur à Kim Ling, là où tu as grandi. Après, on verra. Mais père, ce n'est pas possible. Un haut fonctionnaire tel que vous ne peut pas être destitué comme ça. Je vais écrire au gouverneur, Albert Sarrault. Il pourra sûrement faire quelque chose. Avec tes fréquentations, Tan, je crois que ce n'est pas une très bonne idée d'écrire au gouverneur. Les autorités françaises surveillent de près des amitiés politiques. J'ai même vu ton nom associé à celui de Fan Ruding. Fan Jiaotun n'est pas un extrémiste, père. Au contraire, il tend la main aux Français. Je sais tout ça. Je connais bien Fan Ruding. Nous avons été à l'Académie impériale ensemble. C'est un garçon brillant. Mais je ne crois pas beaucoup à son idée de collaborer avec les Français. Depuis qu'ils ont colonisé ce pays, ils ont construit des routes, des ports, des chemins de fer et des télégraphes, ce qui ne peut être qu'une bonne chose. Mais ils n'accordent aucune attention à notre peuple plongé dans la misère. Les élèves, comme les miens autrefois, sont une exception. À peine un de nos concitoyens sur 10 sait lire le journal. C'est pour cela, père, qu'il est grand temps de fonder une nouvelle culture qui alliera la science de l'Occident aux forces vitales de notre pays. Il faut une opinion nationale forte qui s'allie au gouvernement colonial pour mener des réformes. Tu sais, il y a 3 jours, j'ai fait un rêve. Tu étais sur une pirogue avec ton frère. Vous descendiez la rivière de Parfum, là où, enfant, vous passiez la journée à pêcher. Oui, je me souviens. Dans mon rêve, j'étais au bord du fleuve, devant le palais impérial. Je vous appelais, ton frère et toi, mais vous ne m'entendiez pas. Et vous disparaissiez loin, très loin. Le lendemain, j'ai reçu ta lettre, où tu parlais de me rendre visite. Tu es venu m'annoncer ton départ, n'est-ce pas? Comment l'avez-vous deviné? Voyons, Tan, tu en rêves depuis 2 ans. Ce sont des choses qu'un père sent, même de loin. Vous avez vu juste. Je ne veux pas voyager pour me distraire, comme un adolescent ou un bourgeois. Non, je veux comprendre l'Europe et revenir pour aider mon pays à devenir une grande nation. Le ciel t'entende, mon fils. Mais d'ici ton départ, tâche de te faire oublier tes autorités. Ton frère a demandé une bourse pour pouvoir étudier en France. Il sera injuste que ton amitié avec Fan Jodin lui écoute son avenir. Et moi donc? J'ai posé ma candidature à l'école coloniale de Paris. Mais ne soyez pas inquiet ni pour mon frère ni pour moi. Quant à vous, père, je ne vous oublierai pas. Je vous enverrai de l'argent dès que je pourrai. Ne t'inquiète pas pour ça. Laisse-le passer derrière toi et ne te retourne pas. Le 4 juin 1911, c'est le grand départ. À Saïgon, Ho Chi Minh embarque à bord de l'amiral Latouche Tréville, un paquebot à vapeur qui fait la liaison Haïphong-Dunkerque. Sans argent pour payer son voyage, il s'est fait engager comme homme à tout faire à bord du navire. 6 mois plus tard, le jeune homme plein d'espoir débarque à Marseille. Cher père, je vous écris de France. Depuis le temps que j'en rêvais, je suis tellement heureux que je n'arrivais pas à croire que j'écris ces mots. Nous sommes arrivés il y a 2 jours à Marseille. Sachez-le, les Français de France n'ont rien à voir avec ceux que nous connaissons chez nous. À Marseille, quand je suis allé au café, pour la première fois de ma vie, on m'a appelé monsieur. Et le garçon m'a servi très poliment une limonade sans faire une remarque. Il faut dire qu'avec mon manteau et mon chapeau boule, je suis habillé comme un bourgeois français. Par contre, il y a des prostituées partout. Quand on pense que les Français passent leur temps à nous faire la morale et à construire des écoles catholiques, donnez-moi de vos nouvelles et confirmez-moi que vous avez bien reçu l'argent que je vous ai envoyé le mois dernier. Votre fils aimant, Tan. Mais l'aventure française tourne court. La candidature d'Ho Chi Minh à l'école coloniale est refusée. Son rêve d'acquérir le savoir occidental se brise. Sans ressources, le jeune homme est contraint de retourner travailler sur le cargo. Il y restera 3 ans. Il découvre Londres, Amsterdam, New York, mais pas seulement. À pied d'œuvre 10 heures par jour pour un salaire de misère, il fait l'expérience de la dure réalité du prolétariat. Il continue de s'instruire en autodidacte, mais le fils de mandarin se sent désormais plus proche des marins et des dockers du monde entier qui sont ses compagnons de vie. Madame, votre chapeau! Excusez-moi! Vous savez s'il y a un endroit sur le pont un peu plus abrité? Il faut aller à l'arrière, mais je vous conseille de rentrer à l'intérieur. Avec ce vent, vous allez y laisser votre chapeau. Je crains d'y être obligée, effectivement. Quel ennui! Ça fait déjà une semaine que je passe la moitié du temps dans ma cabine. Le temps devrait s'arranger à partir de demain. Mais d'ici là, hélas, il faut prendre son mal en patience. Comment vous appelez-vous? Paul. Je m'appelle Paul. Et vous? Jeanne. Paul. Vous parlez le français à la perfection. Ah, j'y étais à l'école française. Mon père était professeur. Et vous? Vous avez embarqué à Saïgon? Oui, mon mari gère une usine de caoutchouc. Nous habitons à Dalat. Dalat, une de nos plus belles provinces. À vrai dire, nous n'avons pas eu le temps de voir beaucoup le pays. Nous sommes arrivés il y a 8 mois. Je dois dire que parmi vos concitoyens, je n'en ai guère rencontré d'aussi distingués que vous. Parce qu'à Dalat, vous n'êtes pas beaucoup sorti des champs de caoutchouc. Et à part votre bonne et votre cuisinière, vous n'avez sans doute parlé à aucun alamite. Vous avez raison. Mais mon mari et moi commençons à sortir de nos champs de caoutchouc, comme vous dites. Il fait si bon vivre à Dalat. Je sais. On la surnomme la petite France. De belles villas, un golf, un grand hôtel, avec le chemin de fer qui arrive directement en plein centre. On se croirait à Deauville. Vous connaissez Deauville ? C'est incroyable. Oh, je n'ai pas eu beaucoup d'occasion d'y aller. Je la connais surtout par les peintres. Eh bien, il faut absolument que vous y alliez. Je suis normande. C'est une région magnifique. On comprend pourquoi elle a inspiré autant d'artistes. Monet et ses soleils couchants. Je préfère Gustave Courbet. Une de ses toiles les plus célèbres s'appelle « La plage de Trouville ». Plutôt que de peindre un paysage, Courbet a préféré montrer deux hommes en train de ramasser des fruits de mer à marée basse. Une étendue de sable désolé, parcourue inlassablement par deux travailleurs. On y sent tout le poids de la pauvreté. Quelques années plus tard, Courbet mourra lui-même dans la misère pour avoir participé à la Commune. Eh bien, votre connaissance de notre culture est impressionnante. J'ai beaucoup lu durant mon adolescence. Et aujourd'hui, j'étudie à Paris, à l'école coloniale. L'école coloniale, vraiment ? C'est formidable. Et ils vous laissent partir aussi longtemps ? Oui. Nous avons des vacances l'été. Et vous ? Vous rentrez pour longtemps ? Eh bien, nous aussi, nous prenons nos congés annuels. Mon mari va me rejoindre dans quelques jours. Nous avons de la chance. La compagnie nous offre deux voyages en métropole par an contre un seul pour les fonctionnaires. Oh mon Dieu, je vais rentrer à l'intérieur, ça tangue trop, je vais être malade. Je vous croiserai peut-être au dîner ce soir. En quel cabine êtes-vous ? Le soir, je ne vais pas au dîner. Je préfère me faire servir en cabine. Vraiment ? Je ne savais pas que c'était possible. J'ai demandé directement au serveur. C'est le privilège de parler la langue. Vous avez bien fait. Je vais demander au commandant de bord, moi aussi. Je vous laisse. Elle a raison de rentrer. Il fait un vent de tous les diables. Ces Françaises de métropole sont charmantes, mais elles tombent malades pour rien. Allez, moi aussi. Je vais rentrer dans ma cabine de luxe. Entre les cordages et les rats. Dans 6 semaines, nous serons à New York. J'ai hâte. Ma vie a tellement changé depuis que j'ai embarqué. Normalement, il m'aurait fallu travailler toute une vie pour payer un voyage comme celui-là. Les conditions sont dures à bord. Mais je ne me plains pas. Le monde entier est à moi. En août 1914, la guerre éclate et la liaison transatlantique est interrompue. Ho Chi Minh s'installe à Londres et devient ouvrier dans une usine. Il est impressionné par la puissance des unions, les syndicats anglais. En 1919, il arrive à Paris. Il trouve du travail dans une boutique de retouches photographiques et retrouve ses amis vietnamiens, partis eux aussi faire le grand voyage. En ce printemps 1919, le discours de Wilson sur les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes est dans tous les esprits et redonne de l'espoir aux colonisés. Ho Chi Minh et ses amis fondent le groupe des Patriotes Annamites, un cercle politique qui se réunit tous les soirs dans une villa du 13e arrondissement de Paris. Parmi eux, l'ami d'enfance de Ho Chi Minh, Phan Chao Trinh. Eh oui, tout le monde est en retard, comme d'habitude. Et que veux-tu ? Nous autres indigènes sommes naturellement tirés au flanc. Alors que toi, costume, chapeau, un vrai français. Quoi ? Mon costume ? Ce n'est pas parce que je suis pauvre que je dois m'habiller comme un coulé en savate. Je vois ça. On m'a même dit que tu te faisais appeler Paul. Qui t'a dit ça ? Marie ? Oui, c'est sûr que Paul et Marie... Je vois qu'elle te raconte tout, hein. Sauf que je n'ai pas vraiment la tête à me promener en ce moment. Pourquoi tu fais cette tête ? Pourquoi je fais cette tête ? Regarde ! L'humanité ? La force ouvrière s'ébranle. Pour appuyer les cheminots, la CGT déclenche la grève des mineurs, des inscrits maritimes et des dockers. Eh bien, c'est très bien ! Tu parles comme si ça ne te faisait rien. Mais si, je viens de te dire, je trouve ça très bien. Je ne te parle pas de ça. Les journaux ne parlent que de lutte des ouvriers. Ça fait 6 mois qu'on s'est réunis et on n'existe aux yeux de personne. Personne ne connaît le groupe des Patriotes Annamites. Pourquoi veux-tu que la presse française parle de nous ? Notre but est de faire avancer les choses là-bas, de dialoguer avec les autorités coloniales, pas de se faire de la publicité. Mais si, nous avons besoin du soutien de la métropole. Là-bas, il ne se passera rien. Tu es trop impatient, Tan. Les choses sont en train de changer. Le mois dernier, le gouverneur Saro a ouvert un débat à Hanoï sur le droit des citoyens indigènes. Il faut frapper fort. Il faut qu'on entende parler de nous. Nous devons faire comprendre à l'opinion que la décolonisation et l'émancipation du prolétariat ne sont qu'une seule même lutte. Ah oui ? Et comment comptes-tu t'y prendre ? Près de 200 000 de nos compatriotes sont venus en France travailler dans des usines ou mourir dans des tranchées. Tout ça dans l'indifférence générale. Mais je sais tout ça. Mais les morts sont morts et nous ne pouvons plus rien pour eux. En revanche, dans 2 mois, le premier congrès panafricain se réunit à Paris. Des centaines de militants africains vont venir réclamer les droits pour les coloniser. Il faut publier les mois prochains un manifeste où nous faisons connaître nous aussi nos revendications. Mais au nom de qui allons-nous parler, Tan ? Nous sommes à peine une dizaine. Écoute, Fan, je te garantis qu'on va s'y mettre et dès ce soir. Le manifeste des revendications du peuple annamite paraît en juin 1919. Il avance des thèses d'une audace radicale. Ho Chi Minh rejette désormais l'assimilation à la France. Il réclame ni plus ni moins l'indépendance, au nom du droit sacré pour les peuples de disposer d'eux-mêmes. Le manifeste fait beaucoup de bruit dans les milieux anticolonialistes. L'Humanité, le Populaire et les journaux de la CGT ouvrent leurs colonnes à Ho Chi Minh et ses amis. Mais les patriotes annamites se heurtent à l'immobilisme du gouvernement français. Ho Chi Minh est de plus en plus impatient. Le bouillonnant jeune homme aspire à une agitation de masse comme celle qui secoue l'Inde, l'Égypte ou la Chine. En 1920, il adhère au Parti socialiste. Quelques mois plus tard, il réussit à se faire inviter au congrès de Tours de la SFIO en tant que représentant d'une section indochinoise fantôme. Une centaine de parlementaires, quasiment tous blancs. J'ai bien vu un Africain ou un Algérien par-ci, par-là, mais il rasait presque le mur. Pourtant, le Parti socialiste est le seul à pouvoir défendre les intérêts des colonisés. Mais qui s'intéresse à ces terres lointaines ? 3 jours que je suis ici et pas un seul délégué n'en a parlé. Pourtant, Jaurès était un grand homme. C'était un des premiers à avoir défendu les droits des indigènes. Mais depuis sa mort, personne n'a pris le relais. Tous ces parlementaires doivent être mal informés. S'ils savaient ce qui se passe, ils ne pourraient pas supporter que la patrie des droits de l'homme traite aussi mal ses colonisés. Mon devoir est de le leur dire. Ils vont nous soutenir, c'est sûr. Silence ! L'Indochine a la parole. Camarades, c'est avec la plus grande tristesse que je viens aujourd'hui protester contre le crime abominable commis dans mon pays d'origine. Vous savez que depuis un demi-siècle, le capitalisme français nous a conquis avec la pointe des baïonnettes. Depuis, nous sommes honteusement opprimés. Les prisons sont plus nombreuses que les écoles. La liberté de presse et d'opinion n'existe pas pour nous. Nous n'avons pas le droit de voyager à l'étranger. Nous vivons dans l'ignorance la plus noire. En Indochine, on fait tout ce qu'on peut pour nous intoxiquer avec l'opium et pour nous abrutir avec l'alcool. On a fait venir des milliers de mes concitoyens pour se faire massacrer dans une guerre qui n'était pas la leur. Voilà, camarades, comment plus de 20 millions d'annamites sont traités. Le Parti socialiste se doit de mener une action efficace en faveur des indigènes opprimés. Nous voyons dans l'adhésion à la Troisième Internationale la promesse formelle du Parti socialiste de donner enfin aux questions coloniales l'importance qu'elles méritent. Nous serons heureux si le Parti envoie un camarade étudier en Indochine l'action à mener. Et silence, silence ! Les parlementaires et les autres. Au nom de l'humanité tout entière, au nom de tous les socialistes, nous vous disons, camarades, sauvez-nous ! Le représentant de l'Indochine a pu voir par les applaudissements qui l'ont salué que le Parti socialiste tout entier est avec lui pour protester contre les crimes de la bourgeoisie. La séance est levée. Ho Chi Minh regagne Paris plein d'espoir. Mais les socialistes français oublient vite le jeune homme exalté du congrès de Tours. Déçu, Ho Chi Minh, séduit par la radicalité de Lénine, rejoint le Parti communiste. En 1921, il fonde le Paria, un journal satirique qui dénonce la colonisation. Il se passionne désormais pour le marxisme et la révolution prolétarienne, d'autant plus qu'il mène toujours une vie de misère. Il loge dans une chambre de bonne insalubre dans le 17e arrondissement et gagne à peine de quoi payer son loyer. Maigre, avec une barbe de 3 jours et son éternel costume râpé, il ne sort plus de chez lui que pour animer des réunions politiques. Seule sa fiancée, Marie Brière, une jeune ouvrière communiste, lui rend visite le dimanche. Excuse-moi, je ne t'avais pas entendu. Voilà pour ton dîner. Je parais que tu n'as encore pas mangé hier. Hier, j'ai travaillé jusqu'à minuit à la boutique. Un couple était pressé d'avoir les photos de leur mariage. Ils ont payé double. Leur patron n'a pas pu refuser. S'ils lui ont payé le double, t'aurais dû demander à ce qu'ils te paient aussi le double. Je n'y ai pas pensé. J'étais trop fatigué en sortant. Tu es très fort pour réclamer pour les autres, mais quand il s'agit de toi... Tiens. Merci. Qu'est-ce que c'est ? De la soupe que j'ai faite ce matin. Marie, je me demande ce que je ferais sans toi. Je me le demande aussi. Tu m'inquiètes. Tu vas t'abîmer la vue à force de passer tes nuits sur ces photos. Mais c'est quand même moins pénible que de pointer à l'usine. Oui, mais on te paie un salaire de misère et puis tes activités politiques, c'est pareil, on ne te donne jamais d'argent. Quoi ? Tu voulais que je sois payé pour faire la révolution ? Dis ça au camarade Lénine, il aurait une attaque cardiaque. Tu passes ta vie à fabriquer ce journal. Tu pourrais au moins essayer de mettre quelques francs de côté pour... C'est impossible. On doit déjà 6 numéros à l'imprimeur. Mais peu m'importe. Chaque jour qui passe m'a rapproché un peu plus de mon rêve d'un monde nouveau. Je croyais que nous avons le même tous les deux. Bien sûr que nous avons le même rêve. Je voudrais juste que parfois tu penses un peu plus à toi et à nos projets. Marie, la révolution doit être notre seul projet. Tout à l'heure, tu parlais de photos de mariage. Oui, et alors ? Il n'y a qu'un révolutionnaire pour ne pas voir où je veux en venir. Mais enfin, avec quel argent veux-tu qu'on se marie ? Tu veux venir vivre ici, avec moi, sous ce toit troué, pour mettre des bassines par terre quand il pleut ? Viens vivre chez mes parents, à Argenteuil. Tu seras le bienvenu. Mon père est à la CGT depuis 1905. Il t'accueillera les bras ouverts. Écoute, je pensais m'installer à la Villa des Gobelins. Si tu veux, on se marie et on va vivre ensemble là-bas. Quoi ? Avec tes amis ? Oui, nous pourrions y être très heureux. Fan t'aime beaucoup, les autres aussi, et puis le groupe des Patriotes a besoin d'une femme. Besoin d'une femme ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Oui, écoute-moi. Tu n'auras pas besoin d'arrêter de travailler. Les salaires de chacun sont versés dans une caisse commune et redistribués. Chaque semaine, tu mettras ton salaire dans la caisse. Je ne te demanderai pas de participer aux réunions politiques ni au journal. Mais en contrepartie, il faudra que tu fasses des tâches ménagères. Quoi ? Tu veux m'épouser pour que je serve de boniche à tes amis ? Marie, c'est une communauté. Tu voudrais être la seule à ne rien faire ? Ah, naturellement, parce que je suis une femme, je suis cantonnée à la lessive et au ménage. Il n'y a pas de petite contribution à la révolution. Ah oui ? Eh bien, la révolution, ça passera de moi. Tiens, je te laisse la soupe et les assiettes, camarade. Ce sera ma contribution. Marie, Marie ! Oh. Au fond, je la comprends. Marx ne lui aurait pas donné tort. Il disait, dans la famille, l'homme est le bourgeois et la femme le prolétariat. Mais en ces années 1920, les révolutions de toute nature se font attendre. La colonisation connaît son âge d'or économique et les revendications des peuples indigènes sont ignorées au profit des luttes sociales. Le cartel des gauches, comme plus tard le Front populaire, s'oppose aux réformes coloniales. Déçu, Ho Chi Minh commence à se détourner de la France pour regarder vers l'URSS. La patrie du bolchevisme lui paraît la seule à pouvoir mener à bien la révolution mondiale. En 1923, le parti communiste chinois, le Kuomintang, aidé par l'URSS, s'empare du pouvoir. Ho Chi Minh n'a plus de doute. L'avenir est désormais à l'Est. Il décide de partir pour Moscou. Moscou, le 15 décembre 1923. Cher père, je n'ai pas pu vous écrire plus tôt car je suis tombé malade dès mon arrivée. Ici, il fait un froid glacial. Ce n'est sans doute pas la meilleure idée que j'ai eue d'arriver à Moscou en plein mois de décembre. Mais j'étais pressé de rencontrer mes camarades du Comintern. J'ai quitté Paris, mes amis et ma fiancée. Pendant que j'étais dans le train et que je regardais les plaines russes couvertes de neige, j'ai eu la certitude que je passerais le reste de ma vie seul. Depuis que je suis ici, je sais désormais pourquoi je veux vivre. L'indépendance de mon pays. Et cette longue marche ne peut partir que d'ici. La conférence de la paix et les promesses du président Wilson n'étaient que de la poudre aux yeux. En France, les socialistes et les communistes m'ont déçu à un point que tu ne peux imaginer. Lénine, lui, met à notre disposition des armes et de l'argent. Le Comintern aide nos compatriotes dans toute l'Asie. J'ai commencé à apprendre le russe en allant au cours du soir du parti. J'espère bientôt le parler aussi bien que le français. Père, j'ai hâte de vous revoir. Et surtout de vous revoir dans un pays libre. Votre fils, Tan. Ho Chi Minh ne reverra jamais son père. Lorsqu'il meurt en 1929, Ho Chi Minh se trouve en Chine. Le Comintern l'a nommé à Canton avec pour mission de réorganiser les partis communistes chinois. Devenu un révolutionnaire professionnel, Ho Chi Minh n'en a pas pour autant oublié son but. Il encourage les militants à s'installer en Indochine pour y former des cellules clandestines. Il n'attend qu'une chose, le moment favorable pour revenir dans son pays et piloter la révolution. La Seconde Guerre mondiale va lui fournir l'occasion tant espérée. Après la défaite de juin 1940, le gouvernement français vacille. L'offensive japonaise au Nord-Vietnam en septembre 1940 affaiblit encore plus le pouvoir colonial. En février 1941, Ho Chi Minh décide que le moment est venu. Il franchit à pied la frontière qui sépare la Chine du Vietnam avec pour seul bagage une valise en rotin. Il s'installe à Pak Bo, un village frontalier perdu dans les montagnes. Cher père, je t'écris, bien que tu ne sois plus là. Car c'est ta pensée qui m'a aidé à tenir toutes ces années et qui continue à m'aider. Il me suffit de relire les pages de mon journal pour m'en rendre compte. Et hier, j'ai pensé à toi plus que jamais. Lorsque j'ai posé le pied pour la première fois depuis 30 ans sur notre terre, les larmes sont venues aux yeux. Aujourd'hui, j'aurais tellement voulu te serrer dans mes bras. À la place, je me suis recueilli au bord du Mékong et j'ai prié pour nos ancêtres. Je me suis installé dans une grotte au-dessus du village. Il n'y a rien d'autre que des nuages et des montagnes à perte de vue. C'est l'endroit parfait pour le berceau de la Révolution, un havre de paix juste avant l'offensive. Le prix à payer sera lourd pour mon peuple, je le sens. Mais désormais, père, je n'ai plus le choix. Je suis face au combat que j'ai attendu toute ma vie. La seule issue est la liberté. Ou la mort. Je sais que tu serais fier de moi. Et que je n'ai pas le droit de te décevoir. Père Tan ? Père Tan ? Qu'y a-t-il ? Je voudrais vous parler. Je t'écoute. Dans le village, on dit que vous êtes un homme très puissant. C'est vrai ? Si tu crois... Comme moi, que la seule puissance est celle de l'esprit, alors je le suis. Mais pour l'instant, je suis comme toi, un simple villageois. Ma mère dit que vous allez nous sauver de tout le monde. Nous sauver des Japonais et nous sauver des Français. C'est le rêve que je poursuis depuis plus de 30 ans. Pourquoi vous avez changé les noms des endroits du village? Ces noms ne te plaisent pas? Je sais pas. Ils sont compliqués à retenir. Mais non, au contraire. Ils sont très simples à prononcer. Viens. Là-bas, à gauche, il y a le mont Lénine. Et tout en bas, le ruisseau Karl Marx. Karl Marx? C'est qui Karl Marx? C'est quelqu'un qui a dit que les hommes devaient être égaux et libres. Il est comme le Bouddha? Non. Marx n'aimait pas beaucoup la religion. Il disait que c'était l'opium du peuple. Il n'aimait pas l'opium non plus? T'es un peu jeune pour qu'on parle de tout ça. Venez. Oui, mais qu'est-ce que... Et là, là. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est ma machine à écrire. Ça vous sert à quoi? Eh bien, c'est ça qui s'avéra aussi à vous sauver. La révolution ne se fait pas seulement avec des armes. Je peux la toucher? Si tu veux. Mais seulement les lettres. Ah, mais ne touche pas le ruban. Maintenant, tu as de l'encre partout. Je vais me nettoyer dans la rivière. Ma mère va me tuer si elle voit tout ça. Oui. File, allez. Je peux revenir demain? Tant que tu voudras. Un an plus tard, en 1942, Ho Chi Minh organise la 8e session du comité central à Pak Bo. Il a toujours le soutien du Comintern, mais dispose désormais d'une autonomie totale grâce aux cellules clandestines qu'il contrôle dans tout le pays. Ce vaste réseau de combattants déterminés s'appelle désormais le Viet Minh. Au début de l'année 1945, le Viet Minh contrôle les deux tiers du pays. le 2 septembre, la capitulation du Japon met fin à la Seconde Guerre mondiale. Le même jour, à Hanoï, face à une marée humaine, Ho Chi Minh proclame l'indépendance du Vietnam. Compatriotes, m'entendez-vous clairement? Tous les hommes naissent égaux. Et pourtant, pendant plus de 80 ans, les colonialistes français ont violé notre terre et opprimé nos compatriotes. Pour ces raisons, nous déclarons aujourd'hui nous affranchir de tout rapport colonial. Nous, membres du gouvernement provisoire de la République démocratique du Vietnam, proclamons solennellement au monde entier, le Vietnam est devenu un pays libre et indépendant. Nous exploitons et nous opprimons comme avant. Ça y est, père. Je l'ai fait. Ne t'inquiète pas, je suis lucide. Je sais que le combat n'est pas encore gagné. La France n'est pas prête à nous rendre notre liberté. Elle s'accroche à son empire colonial. Mais le monde est en train de changer. Les puissances impérialistes se sont déchirées entre elles et ont démontré l'effroyable échec du capitalisme. Les colonisés du monde entier se révoltent et rien ne les arrêtera plus. Comme disait Lénine, là où il y a une volonté, il y a toujours un chemin. Ho Chi Minh, une jeunesse française de Marjorie Philibert, avec Ho Chi Minh, Jean-Claude Tran, le père Yves Yann, Phan Chautrine, Elie Pen, Marie Brière, Andrea Brusque, une passagère Florence Mazot, l'enfant Sophie Laure, le président Philippe Bautier. Bruitage Sophie Bissens, prise de son montage et mixage Emmanuel Couturier et Mathieu Tourin, assistante à la réalisation Claire Chéneau, réalisation Christophe Hoquet. Vous écoutez France Inter, autant n'emporte l'histoire. Dans quelques minutes, on reprend la discussion sur Ho Chi Minh avec mon invité, Pierre Journoux. Autant en emporte l'histoire sur France Inter. Our fallen hearts were left in a bed that I will make out of stone, out of clay, out of the hearts that I will break. My breath will find a way, pale light and delicate, to help you through the day, the beginning of the week. My strength will know no end, no heart it cannot mend, no skin it cannot feel, no arms it cannot still. Jeanne Haddad, Falling Hearts sur France Inter, autant n'emporte l'histoire, réalisée par Juliette Gou, assistée d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Paul Percheron. Pierre Journou, nous avons quitté Ho Chi Minh en septembre 1945, alors qu'il vient de proclamer à Hanoï l'indépendance du Vietnam. Cette indépendance ne viendra pas tout de suite, hein. Il faudra aussi beaucoup de morts pour y arriver. L'auteur de la fiction, Marjorie Philibert, a choisi de terminer par une lettre imaginaire d'Ho Chi Minh à son père. Pensez-vous qu'en effet, cette figure de son père a été essentielle dans l'engagement de Ho Chi Minh ? Moi, je pense qu'elle a été importante. Il est impossible de dire précisément quel rôle elle a joué, parce qu'il en a pas beaucoup parlé lui-même. Il a peu écrit sur ce passé, sur son enfance, son adolescence. Quand on lit les grandes biographies, il n'y en a pas tant que cela de Ho Chi Minh. L'enfance et l'adolescence sont réduites à la portion congrue. Oui, c'est un personnage mystérieux. Voilà, c'est un personnage qui garde sa part de mystère, absolument. Mais vous avez bien montré, alors il y a une part de fiction qui est importante. Bon, j'enlève juste quelques petits détails parce que c'est intéressant, ça nous permet de parler de la personnalité de Ho Chi Minh. Mais par exemple, en France, hein, durant son séjour de plusieurs années entre 1919 et 1923 en France, ceux qui sont chargés de le surveiller pour la sûreté française ont produit une masse d'archives très impressionnantes qui se trouvent à Aix-en-Provence et que j'ai consulté en petite partie parce qu'il faudrait sans doute des mois et des mois pour tout. Il y a des milliers de pages. Et en l'occurrence, les informateurs de la sûreté française relève que c'est un bourreau de travail et qu'il n'y rencontre pas grand monde et surtout qu'il n'a pas de relations régulières avec les femmes. Donc il s'en inquiète pour son équilibre personnel. Pierre Journou, il y a une chose qui est assez étonnante dans cette trajectoire, c'est on a l'impression qu'il y a un enchaînement de rendez-vous manqués. Par exemple, cette entrée refusée à l'école coloniale, on ose imaginer ce qui serait devenu le jeune Tan Nguyen s'il avait été admis, donc peut-être pas, il serait peut-être pas devenu Ho Chi Minh. Ensuite, il va partir autour du monde. Cette découverte du monde et du prolétariat est sans doute décisive dans son cheminement intellectuel et politique. Absolument. Il apprend de toutes les situations, de tous les voyages. Plusieurs occasions se sont présentées à lui qui auraient pu changer le cours de son destin. S'il était resté aussi à la loge du Grand Orient de France, qu'il a intégré juste quelques mois. Ouais. Il a été franc-maçon, absolument. C'est peu connu. Et puis finalement, c'est l'engagement dans le Parti communiste français, mais vous le montrez aussi très bien dans la fiction, il est désillusionné assez vite. Hein, oui, surtout pour les socialistes, Absolument. Il va trouver sa voie à Moscou et être envoyé ensuite en Chine, puis en Indochine pour forger le premier parti communiste indochinois. Oui, c'est donc en 1923 qu'il est parti clandestinement pour l'URSS et devenir un agent zélé du Comintern. C'est là où il apprend le métier vraiment de révolutionnaire. Il devient un révolutionnaire professionnel. Est-ce qu'il devient pour autant stalinien ? Oui, d'une certaine manière, même si Staline ne lui a pas rendu, parce que Staline, c'est toujours beaucoup plus tard, parce que dans les années qui vous intéressent, là, il est pas connu de Staline, mais quand il va monter en grade et se faire connaître en Chine, puis dans la péninsule indochinoise, et qu'il va finalement proclamer l'indépendance de la République démocratique du Vietnam en 1945, c'est le début effectivement d'une lutte de guérilla principalement, et puis progressivement d'une guerre conventionnelle contre la France. Mais Staline le percevra toujours comme un nationaliste plus qu'un communiste et s'en méfiera. Et c'est intéressant d'avoir ce retour sur Ho Chi Minh parce que, au fond, toute l'ambivalence du personnage se trouve dans le regard du maître du Kremlin de l'époque. Et on a cette tension permanente et qu'il s'efforce de transcender dans la stratégie qu'il met en place progressivement, sans doute à partir des années 30, pour libérer son pays de la domination coloniale et le conduire à l'indépendance. Et cette tension permanente entre la tradition, le nationalisme, le patriotisme et l'internationalisme communiste, l'idéologie communiste. Donc là, c'est vraiment deux faces d'une même pièce chez Ho Chi Minh, indissociable. C'est la défaite de la France en 1940 qui va accélérer le processus d'indépendance du Vietnam. En septembre 1945, à Hanoï, on l'a entendu, il proclame l'indépendance de son pays. Est-ce qu'on peut dire que le Vietnam est le premier pays colonisé à faire cette démarche ? le premier pays dépendant de la France. Oui, c'est le premier pays de l'Empire colonial français à proclamer son indépendance. Sauf que, comme vous le savez, cette indépendance est très vite récusée par l'autorité française, en l'occurrence Général de Gaulle, qui est au pouvoir et qui, à l'instar de tous les autres ténors politiques, de tous les autres partis politiques, y compris le Parti communiste à l'époque, on l'a un peu oublié aussi, considère que l'Empire colonial est absolument indispensable à la restauration de la puissance française dans le monde et en particulier en Europe. Donc il y a un consensus pour à l'époque, et que le général de Gaulle incarne en l'occurrence, tant qu'il est au pouvoir jusqu'en janvier 1946, pour marquer la volonté de la puissance française de restaurer d'abord son autorité avant de négocier avec Ho Chi Minh et le Parti communiste vietnamien. Donc, en 1946, justement, une conférence de paix est organisée à Fontainebleau pour tenter de trouver une solution au conflit au Vietnam, et le premier jour, Ho Chi Minh s'adresse à la radio aux Français. Après l'audition de l'hymne vietnamien et de la Marseillaise, je m'approche du président Ho Chi Minh. Monsieur le Président, au moment où vous prenez contact avec le sol de France, voulez-vous dire quelques mots, s'il vous plaît, au micro de la radiodiffusion française? Mesdames, messieurs, mes chers amis, je suis heureux d'arriver et de voir la France nouvelle. Cette France qui a tant souffert sous la domination allemande, mais qui, grâce au courage et au patriotisme de ses nobles enfants, est sortie plus noble, plus généreuse et plus glorieuse. Frères Français, laissez-moi vous dire que, Français et Vietnamiens, nous avons le même idéal, liberté, égalité et fraternité. Nous poursuivons le même but, la démocratie et la paix. C'est pourquoi je suis sûr que Français et Vietnamiens, nous y arriverons sûrement et rapidement à l'entente et à la collaboration égale, loyale et fraternelle. C'était donc Ho Chi Minh s'exprimant en 1946 à Fontainebleau. C'est étonnant, Pierre Journoux, parce qu'il rend hommage à la France qui a réussi à se délivrer de l'occupation allemande. Il dit aussi qu'elle est plus noble et plus généreuse. Donc on sent qu'il attend de la France qu'elle enfin elle accepte l'indépendance du Vietnam en retour. Mais en fait, cette France de 1946 n'est toujours pas prête à abandonner ses colonies. Non, absolument, vous avez bien raison. Et d'ailleurs, je souligne la qualité exceptionnelle de votre archive, parce que je ne la connaissais pas. Oui, je crois que la France est le pays des droits de l'homme. La France est le pays des droits de l'homme, et en même temps, elle a aussi une réalité coloniale. Elle a ce double, elle a ce paradoxe. C'est ça. Et Ho Chi Minh, sans doute, veut forcer un peu le destin en valorisant la France dans ce qu'elle a de meilleur, en l'occurrence. La résistance, la libération de la France s'est faite aussi avec les colonisés, et vous savez, en tout cas les troupes coloniales, et vous savez que, hélas, en 1945, une série de révoltes sont réprimées de façon sanglante ici et là dans l'Empire colonial. C'est à Sétif et Guelma, en Algérie. Ah oui, en Algérie. C'est en Syrie, à Damas. On bombarde Damas en 1945. C'est bientôt en Indochine où la négociation va échouer. Donc on est dans une situation extrêmement crispé. D'ailleurs, quand on fait le récit, comme je l'ai fait récemment dans un ouvrage, de ces répressions, on mesure à quel point la France sans doute manquait de confiance en elle après tant d'épreuves pour être aussi brutale dans la répression, finalement, de revendications qui ne sont pas d'ailleurs indépendantistes. La plupart ne le sont pas. Et Ho Chi Minh, à Paris, en 1920, n'a pas de revendication indépendantiste. Il réclame l'autonomie et plus de liberté d'association, d'expression, etc. Et c'est faute de ne pas avoir été entendu qu'il va se tourner vers le communisme léniniste et l'engagement militant que l'on a décrit tout à l'heure. Mais en l'occurrence, il a tiré les leçons de tout cela, et en 1945, il proclame, avec le discours que vous avez fait paraître sur les ondes tout à l'heure, l'indépendance de la République démocratique du Vietnam, soit dit au passage, en présence de conseillers américains de l'OSS, l'ancêtre de la CIA. Il a essayé d'obtenir de l'aide des États-Unis. Absolument. Alors, il faudra attendre le désastre de Dien Bien Phu, désastre pour la France en 1954, pour que la France se retire du Vietnam. Une autre guerre va commencer avec les Américains, cette fois encore plus meurtrière, qui s'achèvera en 1975. Ho Chi Minh invoque souvent les principes de 1789, liberté, égalité, fraternité, les droits de l'homme, ces principes qui ont été peu respectés par la France coloniale. Est-ce qu'ils ont été pour autant mis en œuvre par la République démocratique du Vietnam ? Non, bien sûr que non. C'est bien documenté aujourd'hui. On sait que le parti communiste a connu d'ailleurs différentes phases dans son histoire, mais qu'il est intimement mêlé, comment dirais-je, il est presque consubstantiel à la guerre. Hein. C'est la guerre d'Indochine contre, comme on l'appelle ici, contre les Français. Plus exactement d'ailleurs les troupes de l'Union française, parce que il y a aussi beaucoup de tirailleurs, de soldats nord-africains, indochinois, cambodgiens, laotiens, etc. Vietnamiens aussi, bien sûr, qui ont participé à cette guerre et qui ont payé aussi le tribut du sang. Mais à l'évidence, ce parti qui d'abord va connaître une phase maoïste, hein, sous l'influence des conseillers envoyés par Mao, des conseillers politiques, militaires à tous les échelons, et qui vont dans une phase tragique de l'histoire du Parti communiste vietnamien mettre en œuvre une réforme agraire sanglante qui s'est traduite par des exécutions de grands propriétaires ou de petits propriétaires qui, pour certains d'ailleurs, et même pour beaucoup sans doute, avaient pris les armes eux-mêmes contre la France, donc étaient considérés comme des patriotes. Et là, c'est une phase vraiment traumatisante de l'histoire du Parti communiste vietnamien, au point que Général Ziap le avait... Le héros de Diet Bien Phu, côté voilà, le héros vietnamien. Absolument. Et s'était excusé donc au nom du Parti communiste vietnamien. Et après 1954, quand le parti récupère l'autorité, la souveraineté hein, sur la totalité du territoire nord-vietnamien, au nord du 17e parallèle, puisque le Vietnam était divisé provisoirement en deux, eh bien, le parti va se radicaliser aussi. Et donc, on a une phase là qui est plus stalinienne, je dirais, dans le contrôle des populations qui est de plus en plus étroit, des emprisonnements, des purges et des emprisonnements politiques. Donc, cette phase plus sombre de l'histoire du Parti communiste vietnamien a bien sûr été occultée à l'époque où de nombreux Français, de nombreux intellectuels, artistes, humanitaires, etc., ont pris fait et cause pour les communistes vietnamiens dans le conflit très asymétrique, très brutal, qui les a opposés de longues années aux Américains et aux Sud-Vietnamiens. Il ne faut pas oublier que c'était aussi une guerre civile, hein, cette guerre du Vietnam. Merci beaucoup Pierre Journoud. Je rappelle que Ho Chi Minh est mort en 1969 et je signale que vous êtes l'auteur, Pierre Journoud, de Dien Bien Phu, La fin d'un monde, publié chez Vendémiaire. Et je remercie France Bleu Héros. Autant n'importe l'histoire est terminée pour ce soir. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, nous irons à la rencontre d'une autre grande figure révolutionnaire, féminine et française, cette fois Louise Michel, lorsqu'en 1871, cette institutrice de 40 ans s'engage dans la Commune de Paris, ambulancière, combattante de rue, au service de son idéal de révolution sociale. Louise Michel, soldate de la Commune, c'est dimanche prochain dans Autant n'importe l'histoire. Mais tout de suite après le flash, vous avez rendez-vous avec Édouard Baird, Lumière dans la nuit. Excellente soirée sur France Inter.